Dans la ville, les gens sont stressés. Marchant plus y croire, le regard baissé. Blessé, les yeux sont vides comme les porte-monnaies. Y'a plus de taf, c'est pas la teuf. Même la CAF est ruinée. Leurs pas sans lourd de sens trahissent le poids de la fatalité. C'est la crise, on se réfugie dans le Prozac et la Tissé. Un pour tous, mais tous tout seuls, en vérité. Chacun porte sa croix, ne me parlez pas de solidarité. Dans ce pays, les restos du cœur ne devraient pas exister. Y'a plus d'amour dans la cité. L'air est comme chargé d'électricité. Y'a plus d'amour dans la cité. Ma ville est sous tension et prête à craquer. Ain't no love in the hollow city. La nausée, faute comme un parfum d'animosité. C'est marche ou crève, la compassion n'a plus droit de citer. Trop de frustration engrangée, pousse les gens à vriller. Les extrêmes ont la cote et boycottent les communautés. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Comme le ventre de ceux qui ont la dalle sur le pavé. De nos jours, y'a plus que la thune qui fasse unanimité. Mais quand tu vends ton âme au diable, aucun billet ne peut la racheter. Y'a plus d'amour dans la cité, les sentiments ont déserté. Y'a plus d'amour dans la cité.